Écoutez trois dialogues. Yes, listen to three dialogues of people asking for and receiving directions. And with all that new language in mind, and the French you've learned in the other units so far, you should have no difficulty understanding what's going on. Le premier dialogue. Pardon, mademoiselle, il y a un bureau de poste près d'ici. Un bureau de poste? Oui. Descendez la rue et prenez la... Un instant, j'ai un plan. Voilà. Regardez, nous sommes ici sur le plan, vous voyez? Oui. Descendez la rue et prenez la... 1, 2, 3, la troisième rue à droite. Traversez la place, puis tournez à gauche et la poste est sur la droite. Je descends la rue, je prends la troisième rue à droite, je traverse la place et puis je tourne à droite. Non, monsieur, vous tournez à gauche. Comment? Vous allez à gauche. Ah oui, je vais à gauche et la poste est sur la droite. C'est ça. Très bien, merci mademoiselle. De rien, monsieur.